Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Plaisir pour moi de vous présenter cette émission et on va commencer avec Haydn et son concerto pour trompette, très apprécié des trompettistes, un concerto redoutablement difficile, composé pour un ami de Haydn, trompettiste, qui a d'ailleurs modifié le système des clés de la trompette pour la rendre plus juste. Et ce concerto pour trompette de Haydn, j'y suis particulièrement attaché parce que pendant de longues années, ce fut le générique de mon émission Concerto en Fadjet qui était proposé sur Fadjet le jeudi de 18h30 à 19h30. Donc on va écouter ce final du concerto de Haydn avec à la trompette Jeffrey Segal et puis l'orchestre de la Tonale de Zurich qui est dirigé par David Zinman. Thank you. Le final du concerto pour trompette de Joseph Haydn avec à la trompette Jeffrey Segal et puis l'orchestre de la Tonale de Zurich était dirigé par David Zinman. Handel est né en 1685, non loin. Voilà, disque suivant qui démarre, ça arrive de temps en temps. Bon, je reprends ce que je disais. Donc Handel, il est né en 1685 à Halle, non loin d'ailleurs de la ville natale de Jean-Sébastien Bach, qui était né la même année que lui. Et ensuite, contrairement à Bach, qui n'est jamais sorti d'Allemagne, eh bien, Handel a beaucoup bourlingué à travers l'Europe, notamment en Italie. Il était allé en Italie pour se perfectionner. Et puis, évidemment, l'Italie, c'était la Mecque des musiciens. Tout le monde faisait le voyage en Italie pour approcher les grands pédagogues et puis les grandes maisons d'opéra. Et il s'est fait connaître là-bas tout de suite avec une réputation incroyable de maître du clavecin. Et ses opéras en italien, évidemment, ont eu énormément de succès. Par la suite, il est parti à Londres, mais c'est une autre histoire. Les opéras en italien, eh bien, on les a redécouverts petit à petit tout au long du XXe siècle. Et il y en a un qui n'est pas très très célèbre. On va en écouter un extrait, un aria. C'est Tolomeo, Stile Amare, que l'on va écouter chanter par la contralto Gloria Banditelli. Et l'ensemble Europa Galante est dirigé du violon par Fabio Biondi. Thank you. L'aria Stille Amare, tirée de l'opéra Tolomeo de Georg Friedrich Händel, chantée par la contralto Gloria Banditelli et puis l'ensemble Europa Galante, était dirigée par Fabio Biondi. Fanny Mendelssohn-Hensel. Alors Hensel, c'est son nom de femme. Fanny Mendelssohn, la sœur du grand Félix Mendelssohn. Évidemment, à cette époque, début du 19e siècle, les femmes ne font pas de musique. Et si on redécouvre petit à petit les opéras de Händel, eh bien on redécouvre davantage encore de nos jours les compositions des femmes. Et oui, parce que beaucoup de femmes ont composé sans que leur musique soit jouée, publiée. Et ces œuvres sont redécouvertes petit à petit avec souvent de belles découvertes. Alors Fanny Mendelssohn, elle quand même connaît son œuvre depuis longtemps. Elle a vécu dans l'ombre de son frère. Elle a laissé des recueils pour piano, notamment l'année. Alors l'année, c'est un calendrier musical qui égrène les différents mois de l'année et qui restitue un peu l'ambiance, l'atmosphère de chacun de ces mois. Tchaïkovski aura la même démarche quelques décennies après Fanny Mendelssohn, puisqu'il écrira lui aussi un recueil intitulé « Les saisons » où il égrène lui aussi les mois avec leurs caractéristiques sur le plan de l'humeur en tout cas. Alors voici Avril, évidemment, tiré de ce recueil « L'année de Fanny Mendelssohn-Hensel ». C'est joué au piano par Laura Scride. Thank you. ça s'enchaîne, avril s'enchaîne à mai. C'était le mois d'avril vu par par Fanny Mendelssohn-Henzel, la sœur de Félix, extrait du recueil L'année et joué au piano par Laura Scryde. Bach et ses brandebourgeois, ben évidemment, là encore, il s'agit d'un apport de Mendelssohn, parce que c'est Mendelssohn qui a assuré la résurrection des œuvres de Bach au début du 19e siècle. Bach était connu évidemment des initiés, mais très très peu joué, pour ainsi dire jamais joué, et il a fait redécouvrir au public de l'époque toutes les grandes œuvres de Bach, en particulier des extraits de la Passion selon saint Matthieu. Les Brandebourgeois, ben, c'est pas un titre qui vient de Bach lui-même, c'est un titre qui a été donné vers 1860, parce qu'on avait retrouvé donc le manuscrit de ses concertos. Et il était indiqué sur la couverture du manuscrit 6 concerts à l'intention du margrave de Brandebourg. Il n'en a pas fallu plus pour que ces 6 concertos deviennent des concertos brandebourgeois. Ceci dit, on se souviendrait des électeurs de Brandebourg, des princes de Brandebourg, s'il n'y avait pas eu ces concertos? D'ailleurs, est-ce qu'on se souviendrait du prince Colloredo, archevêque de Salzbourg, s'il n'y avait pas eu Mozart et les problèmes qu'il a eus avec lui? Je ne pense pas, évidemment. Allez, on écoute le premier mouvement du premier concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach avec des membres de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, dirigé du violon par Pinchas Zukerman. Thank you. Premier mouvement du premier concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach avec des membres de l'orchestre philharmonique de Los Angeles et Pinchas Zukerman au violon. Alors cette émission est la continuité de celle d'hier et hier je vous ai proposé une chanson de Michel Legrand. Bah, aujourd'hui on va écouter peut-être la chanson la plus célèbre de ce grand compositeur de musique de film, Les Moulins de mon cœur, dont le thème a servi pour la bande originale du film L'affaire Thomas Crown. Un thème pour cette chanson très très inspiré du mouvement lent de la symphonie concertante pour violon et alto de Mozart, on peut même dire que c'est quasiment un plagiat. Mais chut, faut pas le dire. Allez, on écoute cette belle chanson interprétée par Nathalie Dessay et Michel Legrand qui l'accompagne au piano et chante un peu avec elle. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les hommes, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa flamme. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goélands, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable nos pas s'effacent déjà. Je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom chanson de Michel Legrand, Nathalie Dessay, donc pour ces moulins de mon cœur, très inspiré de Mozart. Et ben Mozart, justement, le voilà avec son cinquième concerto pour violon. Mozart était aussi à l'aise au violon qu'au clavecin, au piano, à l'orgue. C'était un fabuleux interprète, bien sûr. Il connaissait toutes les ficelles des instruments et leur technicité. Il a composé 5 concertos pour le violon, on peut même en ajouter un ou deux, on ne sait pas, parce qu'ils ont été attribués à lui, à Mozart, et puis parfois cette attribution a été contestée. Bref, le cinquième est l'un des plus aboutis, évidemment. C'est une œuvre magnifique, on va l'écouter, tout au moins le final, interprété par la violoniste américaine Ilarian et Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen est dirigée par Paavo Järvi. Thank you. le 5e concerto pour violon de Mozart avec son motif à la turque, interprété par Hilarion, et puis le Die Deutsche Kammer Philharmonie Bremen était dirigé par Paavo Järvi. On retrouve notre rubrique des sonates pour piano de Beethoven, nous en sommes à la sonate numéro 22, une sonate en deux mouvements, pas grand chose à dire sur cette sonate qui a parfois été sous-titrée à Thérèse, puisque eh bien, Beethoven l'a composée lorsqu'il était amoureux de Thérèse de Brunswick, qui lui inspirera aussi sa 4e symphonie. Donc une œuvre qui n'est pas parmi les plus jouées certainement des sonates de Beethoven, mais bon, moi je la trouve tout de même très très intéressante. En tout cas, comme je vous propose l'intégrale des 32 sonates, tout au moins des extraits, ben, il fallait qu'elle y figure dans notre émission. Alors voici le 2e mouvement, Allegretto più Allegro, de cette 22e sonate jouée par Stephen Kovacevic. Le deuxième mouvement de la 22e sonate de Beethoven, jouée par Stephen Kovacevic. Et bientôt, on écoutera la 23e, évidemment, la Passionata, puisqu'on va continuer notre cycle des sonates pour piano de Beethoven. Et dans la sonate numéro 23, on entend déjà le thème de la 5e symphonie, le fameux pom pom pom pom, et un thème que Beethoven utilisera, reprendra plus tard pour évidemment cette grande symphonie qui va marquer l'histoire de la musique. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que Beethoven a souvent repris des thèmes qu'il avait couchés dans son carnet d'esquisses quelques années auparavant, puisque Beethoven se promenait toujours avec des carnets dans lesquels il notait des idées musicales, et puis parfois il les retravaillait, parfois pas. Il avait cette phrase vraiment qui illustre vraiment mon propos, parce qu'il disait « l'idée qui fermente en moi ne m'abandonne jamais ». Et oui, c'est vrai que c'est certaines idées musicales qui ne l'ont jamais abandonné. Par exemple, le thème de la 9e symphonie, que l'on trouve 20 ans avant sa composition dans les fameux carnets d'esquisses. Bon, on va écouter le fameux pom pom pom pom, évidemment très célèbre, le thème du destin. Ainsi le destin frappe à ma porte, aurait dit Beethoven, interprété par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, direction Kurt Masur. Thank you. Les gros con brio de la 5e symphonie de Beethoven, interprétée par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, direction Kurt Masur. Et après ce déferlement, cette colère beethovenienne, voici quelque chose de plus apaisé, le largo du concerto pour flûte piccolo, flûte à bec, de Vivaldi, Rium 443. Peter Rium, c'est le musicologue qui a classé les œuvres de Vivaldi. Et c'est interprété au piccolo par William Bennett et l'Academy of St. Martin in the Field l'accompagne. Vivaldi, inventeur de la musique planante quelque part, hein, on se croirait presque à Venise. C'était le Largo du concerto pour flûte piccolo, Rium 443, avec William Bennett à la flûte piccolo et l'Academy of St. Martin in the Fields dirigé par son chef habituel, Neville Mariner. Alors on va terminer avec Dvorak, ses danses slaves. Hier je vous ai proposé la troisième des danses slaves, il y a deux recueils. Hein. Des danses qui ont été orchestrées par Dvorak lui-même, au départ composées pour piano à quatre mains, et qui ont largement fait connaître le nom de Dvorak. Eh oui, parce que ce sont des pièces courtes, faciles d'accès, beaucoup plus faciles à écouter évidemment que ses concertos pour violoncelle, violon, piano, et ses symphonies ou ses opéras, notamment Roussalka, qui s'est imposé vraiment au fil du temps dans toutes les grandes maisons d'opéra, mais qui au départ, évidemment, eh bien, était plutôt réservé au pays tchèque. Allez, on écoute la troisième, c'était pour hier, alors aujourd'hui c'est la première, danse slave d'Antonín Dvořák avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Sir Simon Rattle. Thank you. première dans ce slave d'Antonine Dvorak avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Simon Wattel. Et bien c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine à 11h le samedi et le dimanche de 11h à midi. Alors bonne semaine à toutes et à tous et à très très bientôt j'espère.